Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par ceux qui sont envoyés l'un après l'autre, par les tempêtes déchaînées, par ceux qui répandent et déploient, séparent et discernent, par ceux qui sèment partout le rappel, soit pour justifier, soit pour avertir, ce qui vous est promis s'accomplira certainement, quand les étoiles seront éteintes, et que le ciel sera fendu, et que les montagnes seront désintégrées, et que le moment sera venu pour les messagers de comparaître. À quel jour cela est-il donc différé? Au jour de la décision. Et qui te fera jamais savoir ce qu'est le jour de la décision? Malheur ce jour-là aux négateurs. N'avons-nous pas anéanti les peuples premiers? Puis, n'avons-nous pas enchaîné par les derniers? C'est ainsi que nous traitons les criminels. Malheur ce jour-là aux négateurs. Ne vous avons-nous pas créé d'un vulgaire liquide que nous avons établi dans un réceptacle sûr pour un délai déjà fixé? Ainsi l'avons-nous déterminé, et nul ne le pourra mieux que nous. Malheur ce jour-là aux négateurs. N'avons-nous pas fait de la terre un réceptacle commun aux vivants et aux morts? N'y avons-nous pas implanté des montagnes altières? Ne vous avons-nous pas donné à boire une eau très douce? Malheur ce jour-là aux négateurs. Précipitez-vous donc vers ce que vous teniez pour mensonge, et lancez-vous vers l'ombre aux trois colonnes de la fumée de l'enfer, qui ne protège ni ne prémunit contre les flammes. Car le feu de la Géhenne projette des étincelles aussi grandes que de hautes citadelles, ou semblables à des chameaux jaunes. Malheur, ce jour-là, aux négateurs. Ce jour-là, les mécréants ne pourront ni parler, ni ne seront autorisés à présenter des excuses. Malheur, ce jour-là, aux négateurs. Voici venu le jour de la décision, où nous vous réunissons avec ceux qui vous ont précédés. Si vous avez quelques stratagèmes, faites-en donc usage contre moi. Malheur ce jour-là aux négateurs. Ceux qui sont pieux seront au milieu d'ombrages et de sources vives, et auront les fruits qu'ils désireront. Mangez et buvez en paix pour tout ce que vous faisiez. C'est ainsi que nous rétribuons les bienfaiteurs. Malheur ce jour-là aux négateurs. Mangez et jouissez pour peu de temps, ô mécréants. Vous êtes certes des scélérats. Malheur ce jour-là aux négateurs. Quand il leur est dit « Inclinez-vous pour la salate », ils ne s'inclinent pas. Malheur, ce jour-là, aux négateurs. En quelle parole, après celle-là, vont-ils donc croire ?